إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Le cours aujourd'hui, c'est le cours numéro 8 dans la lecture du livre Kitab Adab al-Mashi ila al-Salah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires et les explications de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah ta'ala. Le Cheikh maintenant il commence à expliquer dans les règles de la salat la lecture de Surat al-Fatiha après avoir fait Dua al-Istiftah. Et bien ensuite donc on a parlé de hier on a expliqué le Dua, on a expliqué le Dua, puis on a expliqué le fait que on dit le Basmala, on a parlé du Basmala. Donc là on va commencer à mentionner on va commencer à mentionner maintenant l'explication résumée de Al-Fatiha. Le Cheikh dit وقوله وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر فالآيتان الأولان يدلان على الإلهيات مالك يوم الدين يدل على المعاد مالك يوم الدين يدل على المعاد وإياك نعبد وإياك نستعين وعليكم السلام ورحمة الله الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله وإخلاص ذلك كله لله وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab il explique qu'on appelle la Fatiha, on l'appelle Ummul Qur'an, la mère du Qur'an. Pourquoi? Parce qu'elle résume en fait tout ce qui est dans le Qur'an. Et le Cheikh explique qu'il y a l'explication au sujet de Al-Ilahiyat. Al-Ilahiyat, ça signifie yani, les choses qui ont rapport avec la divinité et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Ma'ad qui signifie la résurrection, la foi de tout ce qui va se passer après la mort. Et An-Nubuwat, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les prophètes et la prophétie, les messages qu'Allah a envoyés. Wa Ithbatul Qadar, le fait d'affirmer la prédestination. Donc tout ça c'est dans Al-Fatiha. Yani subhanallah, malgré que tu vois que c'est une sourate qui est courte, avec 7 versets seulement, mais yani, elle résume tout ce qui est dans les fondements de la religion. Et le Cheikh, il mentionne que, premièrement, les deux premiers versets, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, parlent de la divinité et d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs. Hein, et Maliki Yawm al-Din, ça indique la foi en l'au-delà, la résurrection, parce que Yawm al-Din c'est le jour de la rétribution, hein? Et donc ça a rapport avec l'au-delà et la résurrection. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, eh bien c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, ça c'est l'ordre et l'interdiction. Et aussi il y a dedans le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de savoir qu'on a besoin de son aide pour l'adorer et qu'on ne peut l'adorer excepté sans son aide et que c'est lui seul qu'on doit adorer. Donc il y a l'unicité d'Allah dans l'adoration, dans ça aussi. Et il dit également, donc à l'ikhlas, hein, le fait de faire en sorte que notre foi et notre adoration soient uniquement pour Allah. وفيها التنبيه على طريق الحق. Par la suite, il y a une indication au sujet du chemin de la vérité et les gens qui le suivent et de suivre leur exemple. Et il y a l'indication aussi du chemin de l'égarement. Du chemin de l'égarement. Ça, c'est le résumé. Et maintenant, Cheikh Abdul Muhsin, il explique les détails un petit peu plus approfondis de ça. Il dit « وَجَاءَتْ تَسْمِيَةُ الْفَاتِحَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأُمِّ الْكِتَابِ فِي أَحَدِيثَ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ » Donc l'appellation de la Fatiha est venue dans les Ahadith de Bukhari Muslim comme étant « أُمُّ الْقُرْآنِ » la mère du Coran, « وَأُمُّ الْكِتَابِ » la mère du livre, parce que c'est l'essence du Coran qui est dans ces sept versets-là. C'est comme si c'était l'essence de tout ce qui est dans le Coran. Et il dit ensuite « وَسُورَةُ الْفَاتِحَةُ مُجْتَمِلَةٌ عَلَىٰ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَةِ وَتَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَةِ وَتَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ » Donc la sourate al-Fatiha, elle comprend les trois catégories de tawhid. Vous savez tous les trois catégories de tawhid, lesquelles elles sont. Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la Rububiyya, dans la souveraineté, dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Rabb, c'est lui le Seigneur. Et ça signifie que c'est lui le seul qui a tout créé. C'est lui le seul qui est, qui fait vivre et qui fait mourir. C'est lui le seul qui donne à chaque chose sa subsistance. C'est lui le seul qui a le contrôle sur tout dans sa création. Donc ça, c'est Ar-Rububiyya. Et l'unicité d'Allah dans la Rububiyya, ça implique que c'est lui seul qui fait toutes ces choses-là. Tawhid al-Uluhiyya, ça c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et a révélé les livres. C'est-à-dire pour établir la preuve de l'unicité dans son adoration. Et c'était en fait le tawhid qui était le plus important. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif et le but du tawhid. Et c'est le tawhid dans les actions des serviteurs. Le premier, tawhid al-Rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans les actions du Créateur. Mais tawhid al-Uluhiyya, c'est l'unicité d'Allah dans les actions du serviteur, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que toutes ses actions, toutes ses œuvres soient uniquement pour Allah seul. En même temps, le tawhid dans l'adoration, c'est sur ça qu'il y avait le conflit entre les messagers et leur peuple. Chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un messager à leur peuple, ils ne voulaient pas abandonner l'idolâtrie, ils ne voulaient pas abandonner l'adoration des idoles, et donc c'est pour ça que il y avait un conflit avec les messagers. Si les messagers étaient venus pour dire au peuple croyez que Dieu existe, on croyait qu'il y a un seul Dieu seulement, ils allaient dire ben nous on croit déjà ça, on a déjà accepté que Dieu est unique, on croit qu'il y a un seul Dieu. Donc si c'est ça, à quoi tu nous appelles? Dans ce cas-là, on est déjà d'accord, on n'a pas de problème avec toi. Mais le problème, quand il leur dit, quand le messager leur dit, ok, d'accord, vous reconnaissez que Dieu existe, vous reconnaissez que c'est lui le seul créateur, le seul maître, mais maintenant, ça veut dire, ça implique, si vous croyez réellement en ça, que vous devez cesser d'adorer ce que vous adorez en dehors d'Allah et faire en sorte que votre adoration soit uniquement pour Allah seul. Parce que sinon c'est en contradiction avec ce que vous avez déclaré de croire en un Dieu unique. Et là, c'est là que ça marche pas. C'est là qu'ils veulent pas abandonner leurs idoles et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, le vrai conflit, c'est à propos de al-uluhiyya. C'est à propos de l'adoration. Et donc, le shaykh, il dit ensuite, donc il explique que Alhamdulillah, Rabbil Alameen, fiha توحيد الألوهية وهو إضافة الحمد إليه وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين وتوحيد الأسماء والصفات في اسميه الله والرب والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة. Donc le cheikh il explique que le premier verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah, le Seigneur des mondes, il y a dans ça l'unicité d'Allah dans l'adoration. Parce que c'est comme si tu disais, ou ça, en fait, c'est, tu dis quoi quand tu dis ça? Tu dis que toute la glorification et la louange n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration que tu restreint toutes les louanges et les glorifications pour Allah seul. Et Rabbil Alamin, ça c'est yani, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans la souveraineté, parce que tu dis que c'est lui le seul qui est maître de tout, le seul seigneur de toute chose qui est dans l'univers et de tous les mondes. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur donne leur subsistance, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe là-dedans. Même un atome dans cette création-là, il ne le partage pas avec une créature parmi ces créatures, non. C'est lui seul qui les contrôle, c'est lui seul qui est son maître. Elle n'a pas d'autre maître que chacune de ces atomes, de ces particules qui existent dans la création, chacune d'entre elles, elle n'a pas d'autre maître que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite qu'il y a également l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Dans deux des noms qui sont mentionnés jusqu'à date, c'est le nom d'Allah et le nom de Ar-Rab. Ça, c'est deux noms. Et yani, ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui impliquent également des attributs. Et Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman qui signifie, qui vient de la Ar-Rahma, qui vient de la miséricorde, et qui veulent, qui signifie celui qui est tout miséricordieux, et Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux. Bon, quand on le traduit en français, comme ça, ils le traduisent le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en réalité, ça donne qu'une partie de la signification des deux noms. Certains des ulama ont expliqué que Ar-Rahman, c'est un nom qui indique l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est en lui-même miséricordieux, et Ar-Rahim est plus relié à ses actions, du fait qu'il est miséricordieux envers ses serviteurs. Certains ont expliqué également que Ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est miséricordieux et sa miséricorde touche à tout ce qui est dans ce monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Ar-Rahim, c'est celui dont la miséricorde est particulière pour les croyants dans l'au-delà. C'est comme pour spécifier une miséricorde plus particulière. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a une miséricorde d'Allah qui est générale, une miséricorde d'Allah qui est particulière, qui est spécifique aux croyants, qui est une plus grande miséricorde encore. Et donc, ces deux noms qui indiquent cet attribut de la miséricorde, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin fihi tawhid al-rububiyya wa fihi al-ma'ad. Donc, le maître du jour du jugement dernier, il y a deux noms Non, il dit que ça indique plutôt le tawhid dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le al-malik, c'est-à-dire le maître, celui qui détient et qui possède et qui est le roi du jour de la rétribution. Et yawm al-din, ça indique également la résurrection, comme on l'a mentionné au début. Et il dit « wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » فيه توحيد الألوهية والعبادة مبنية على الأمر والنهي وفيه الاستعانة فيه الاستعانة في الاستعانة واستعانة التوكل على الله وفيها إثبات القدر وذلك بأن ما يحصل من العباد من عبادة الله والاستعانة به سبق به القضاء والقدر. Donc le cheikh il dit que quand tu dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu c'est toi seul que nous adorons, ça c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, wa iyyaka nasta'in et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. Donc ça aussi c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration et c'est basé sur l'ordre et l'interdiction. L'ordre et l'interdiction dans le sens que l'adoration d'Allah c'est quoi? C'est faire ce qu'il nous ordonne et c'est s'abstenir de ce qu'il nous interdit. Hein? C'est ça qui résume en fait tout ce qui est compris dans l'adoration. Parce que quand tu obéis à Allah, tu fais ce qu'il t'ordonne. Quand tu t'abstiens de ce qu'il t'a interdit, hein, ça aussi c'est en adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu le fais. Wa iyyaka nasta'in, c'est le fait de mettre ta confiance et de chercher l'aide uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que Allah il t'ordonne de l'adorer, puis en même temps tu cherches son aide pour établir cette adoration là, parce que tu peux pas l'établir sans son aide. Donc il y a dedans at-tawakkul, le fait de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de croire également que ce que tu vas faire comme adoration, hein, ce que Allah t'ordonne de faire, eh bien tout ça rentre dans qu'est-ce qui a été prédestiné pour toi, hein? Donc ça implique d'affirmer la prédestination, et donc tout ce qui arrive de la part des serviteurs comme adoration et comme le fait de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration là, tout ça a été déjà écrit. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu, il l'a créé. Il dit wahdina as-sirat al-mustaqim fihi tawhid al-uluhiyya. Donc guide-nous sur le droit chemin, il y a dans ça l'unicité d'Allah dans l'adoration aussi, parce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le dua, hein, ça c'est l'invocation, et l'invocation c'est que pour Allah. On n'a pas le droit d'invoquer ou d'implorer ou de demander à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ihdina siratal ladhina ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim fihi ahlu at-tawhid, fihi ahlu at-tawhid alladhina jama'u bayna al-'ilm wal-'amal. Donc le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, ça c'est les gens du tawhid. Les gens sur qui Allah a mis sa grâce, ce sont les gens de l'unicité d'Allah, parce que ceux qui établissent le tawhid, c'est eux qui ont la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ceux qui ont réuni deux choses, la science et la pratique, hein, les actions. C'est pas la science toute seule et c'est pas les actions toutes seules, c'est la science et les actions. Wa ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni celui des égarés. Il dit wa fihi alladhina janabu at-tawhid wa hum al-yahud al-maghdub alayhim alladhina 'indahum 'ilm bidun 'amal wan-nasara ad-dallun alladhina 'indahum 'ilm 'ala ghayri 'indahum 'amal 'ala ghayri 'ilm. Donc, c'est les deux groupes extrêmes qui ont dévié. C'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah, hein, qui se sont écartés de l'unicité, ce sont les juifs qui ont encouru la colère d'Allah, et ceux qui leur ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la science, mais ils ne l'appliquent pas. Et les chrétiens et ceux qui leur ressemblent, sont des égarés. Pourquoi? Parce que l'égarement, c'est lorsque tu es perdu. L'égarement, c'est lorsque tu ne connais pas ton chemin. Et donc, c'est l'exemple de ceux qu'on appelle les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de bonnes œuvres qu'ils font, et ils veulent faire beaucoup de bonnes œuvres, mais sans avoir la science, sans avoir la connaissance des bases même de la religion, de la foi. Donc, ils vont faire du shirk. Ils adorent Jésus, ils adorent des saints, ils adorent toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah, des images et des croix et autres. Et puis, par la suite, ils font plein de bonnes œuvres, mais malheureusement, les œuvres qu'on fait, si elles ne sont pas établies sur le tawhid, elles n'auront pas de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils détruisent leurs œuvres par le shirk qu'ils font. Et ils font aussi plein d'innovations dans leur religion, c'est-à-dire ils inventent des choses. L'exemple du monachisme, les moines qui adorent dans les monastères ou dans les religieuses, dans les couvents. Subhanallah, quand tu regardes ça, c'est des gens, ils font beaucoup d'efforts dans l'adoration, beaucoup d'efforts pour faire des bonnes œuvres, mais ils ne le font pas selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des efforts qu'ils font et qui seront malheureusement sans récompense, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le Coran. Il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tout ce qu'ils ont fait comme œuvre sera comme de la poussière éparpillée au jour de la résurrection. Donc ils n'auront pas de récompense. Et il y a beaucoup d'autres versets qui mentionnent que celui qui fait du shirk, ses œuvres seront vaines, ses œuvres n'auront pas de valeur. صلى الله عليه وسلم وقفه صلى الله عليه وسلم عند كل آية رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية آية آية. انظر تخريجه في إرواء الغليل. Donc le cheikh il dit, un autre point qu'il mentionne, c'est à propos du fait que il est recommandé de s'arrêter pour chaque verset dans Al-Fatiha comme la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que comme je disais hier, il ne lisait pas la Fatiha d'un seul trait. On a vu des gens comme ça. Quand il récite la Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmi Dini, Yaka Na'budu, Wa Iyyaka Nasta'in. Ils n'arrêtent pas. Ils la lisent d'un seul trait ou bien en deux fois et ils le font très rapidement. Quand tu regardes dans la Sunna, il y a l'exemple dans Sunan Abi Dawud qui est rapporté dans un hadith authentique selon Salama, qui a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il récitait Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Il s'arrête à chaque verset. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Donc, il s'arrête, il ne lit pas d'un seul trait. Et donc, le cheikh, il fait référence également au tahrij du hadith dans Irwa al-Ghalil. Irwa al-Ghalil, c'est un livre de tahrij, d'un livre de fiqh qui s'appelle Manar al-Sabil, si je ne me trompe pas. Et c'est Cheikh al-Albani qui a fait le tahrij de ces hadiths-là. C'est un livre de fiqh Hanbali. Et c'est la plupart des livres de fiqh dans les différents madhahib, ils ont toujours un livre de takhrij. C'est-à-dire, si tu regardes dans le madhhab al-Shafi'i, tu trouves par exemple, Ibn Hajar il a fait le takhrij de certains livres de fiqh, les hadiths qui sont utilisés dans le madhhab. Eh bien, le madhhab al-Hanbali, je pense qu'il n'y en avait pas. Donc, Cheikh al-Albani, il en a fait un, il l'a appelé Irwa al-Ghalil. Il a choisi un livre de fiqh, Manar al-Sabil, et il a fait le takhrij pour mentionner l'authenticité et le degré de chacun des hadiths qui sont dans ce livre-là, et expliquer s'il est authentique ou faible ou autre, puis mentionner d'où est-ce qu'il a été tiré ce hadith-là, dans quel livre. D'accord, donc le Cheikh il dit ensuite, وقوله وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي وفيها 11 تشديدة ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. نعم. Donc le Cheikh il dit que c'est la plus grande sourate dans le Coran, c'est sourate al-Fatiha. Et le plus grand verset dans le Coran, c'est Ayatul Kursi. C'est le plus important, le plus grand verset dans le Coran, c'est Ayatul Kursi, le verset 255 dans Sourate Al-Baqarah. Donc la plus grande sourate, c'est Al-Fatiha, le plus grand verset, c'est Ayatul Kursi. Et il dit, il y a فيها 11 تشديدة. Tajdid, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par tajdid, pour dire franchement. Mais bon, il dit qu'il y en a 11. Et il dit, il est détestable d'exagérer dans le tajdid et d'exagérer dans le mad. Le mad, c'est les prolongations de certaines voyelles. Et donc de pas trop exagérer dans ça. Le Cheikh Abdul Mohsin il explique, il dit Suratul Al-Fatiha a'zam suratin fil Qur'an. Mais c'est effectivement les tajdid, c'est le nombre de shadda qu'il y a dans la sourate, et bien il y en a 11, on les a comptés, il y en a 11. Donc il y a 11 shadda. Et il dit que يدل على ذلك حديث أبي سعيد ابن المعلى أخرجه البخاري في صحيحه وآية الكرسي أعظم آية في القرآن يدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه مسلم وفي كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي 11 تشديدا. Donc en fait, le cheikh il explique que la preuve que Sourate Al-Fatiha c'est le plus grand verset, c'est rapporté par Abu Sa'id ibn al-Mu'alla dans Sahih al-Bukhari. Et la preuve que Ayatul Kursi c'est le plus grand verset, c'est dans le hadith de Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim. Et le cheikh il dit que dans les deux versets, dans le Fatiha et dans Ayatul Kursi, il dit dans les deux il y a 11 shadda. Donc ça c'est quelque chose, j'avais jamais porté attention en fait. Shadda c'est quand une lettre en arabe elle est doublée. Comme par exemple Rabbi, c'est le bas il est doublé. Oui c'est ça. C'est comme un W sur la lettre. C'est ça le signe de la shadda. À la base, le verbe ou le terme rab, il est la racine dans le verbe, c'est rababa. Rababa, oui. Et quand il est contracté, tu vois. Donc c'est comme s'il est doublé. D'accord, donc c'est ça. Il y a 11 shadda dans les deux. Et je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ça? Pour quelle raison le cheikh l'a mentionné? Ou Allahu a'lam, je ne sais pas. Après le cheikh dit وَقَوْلُهُ فَإِذَا فَارِغَ قَالَ آمِينَ. بعد سكتة لطيفة ويعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. Donc le cheikh il dit lorsque tu termines la Fatiha, tu dis Amin. Après une petite pause légère, hein, pour qu'on sache que Amin ne fait pas partie de la sourah. Amin, ça ne fait pas partie de la Fatiha. Donc tu laisses une petite pause et après tu dis Amin. Et qu'est-ce que ça veut dire Amin? Ça veut dire Allahumma stajib. Oh Allah, exauce-nous. Réponds à notre invocation. Et tu l'as dit à haute voix. L'imam et les gens derrière doivent le dire ensemble dans la prière qui est à haute voix. C'est-à-dire le Subh et le Maghrib ou l'Isha, on dit Amin à haute voix. Et il est recommandé pour l'imam de faire un court silence après avoir dit Amin dans la salat al-jahriya, dans la prière qui est à haute voix, à cause du hadith de Samura. À ce sujet, le cheikh il mentionne, cheikh Abdul Muhsin il commente sur ce point-là, il dit As-saktatu allati qabla qira'ati al-fatiha thabatat في حديث أبي هريرة الذي تقدم في دعاء الاستفتاح وغيرها جاء في حديث سمرة ابن جندب في سنن أبي داود من رواية الحسن عنه وهو مدلس والسكوت بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآية. Donc le cheikh il explique premièrement que le silence avant Qira'at al-Fatiha, c'est affirmé et c'est établi par le hadith de Abu Huraira qu'on a mentionné déjà dans le cours précédent lorsqu'on fait du'a al-Istiftah. Et l'autre, il est rapporté dans le hadith de Samura ibn Jundub à la fin de la Fatiha. C'est dans Sunan Abi Dawud et c'est de la narration de Al-Hassan. C'est lui qui rapporte de Samura et il est mudallis. Mudallis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il ne mentionne pas de qui il a entendu cette parole directement. Donc il l'attribue à Samura, mais il ne l'a pas entendu de Samura directement. Il ne dit pas de qui il l'a entendu directement. Donc s'il l'a entendu d'un sahabi, ça va. Mais s'il l'a entendu d'un autre tabi'i comme lui, dans ce cas-là, on ne sait pas s'il est authentique ou non. Dans ce cas-là, comme on dit, on ne sait pas si c'est authentique ou non. Dans ce cas-là, à moins qu'il y a d'autres narrations du même hadith qui confirment qu'il y a une personne la personne de qui il a transmis, il est un sahabi, et ainsi de suite. Bon, ça c'est autre chose. Mais à Sukut Ba'd al-Fatiha, donc ça c'était dans cette narration-là. Le cheikh il n'a pas mentionné le hadith, est-ce qu'il est authentique ou non. Il a juste mentionné que Hassan était mudallis. Donc, Allahu a'lam, il faudrait qu'on vérifie. Il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, ça c'est le dernier point. Après, on va s'arrêter là. Le cheikh dit, wa yushra'u ta'min al-imam wal-ma'mun jahran ba'da al-faraghi min al-fatiha li qawli sallallahu alayhi wa sallam. إذا قام الإمام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري عن أبي ومسلم عن أبي هريرة. Donc le cheikh il explique ça et on va arrêter avec ça pour aujourd'hui. Il dit qu'il est légiféré de dire le ta'min, c'est-à-dire de dire amin, pour l'imam et pour les ma'mouns. Des fois, tu vois que certains imams, ils disent pas amin après la fatiha, mais les gens, ils attendent que l'imam le dise des fois. Donc, quand l'imam le dit pas, eux, des fois, les gens, on dirait, ils savent pas s'ils doivent le dire ou non. Et yani, en principe, c'est l'imam et les gens qui doivent le dire ensemble, d'accord. Et c'est tout de suite après avoir terminé la fatiha, un léger silence de yani, comme le silence qu'il y a entre chaque verset, puis tu dis amin et puis les gens derrière doivent dire amin aussi. Chez les ahnaf, je pense, eux, ils disent pas amin. Les ahnaf, c'est ceux qui suivent le madhab de Abu Hanifa. Hein, eux, ils disent pas amin. Des fois, tu vas aller dans les mosquées où les gens sont hanafis, en particulier les Pakistanais, puis je sais pas si les Turcs sont ahnaf, mais je sais pas s'ils disent amin. J'ai jamais remarqué parce que je suis pas allé souvent dans les mosquées turques, mais je suis allé quelques fois et j'ai pas porté attention à ce détail-là. En tout cas, ils disent pas à haute voix amin. Mais dans la sunna, ça existe. Hein? Comme le cheikh, il le mentionne ici, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, il dit, lorsque l'imam dit, « غير المغضوب عليهم ولا الضالين », dites « Amin ». Après qu'il ait dit ça, vous vous dites « Amin ». Et donc, il dit, « غير المغضوب عليهم ولا الضالين », et là, on dit amin. Hein? Et donc il dit, parce que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que celui dont sa parole va arriver en même temps, va être en accord avec le amin des anges, hein? Et bien, ses péchés passés seront pardonnés pour lui. Allah va lui pardonner tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira radiallahu anhu. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ فَأَمِّنُوا. Lorsque l'imam dit amin, dites amin. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Parce que celui dont le amin va être en accord avec le amin des anges, on lui pardonnera ce qu'il a fait comme péché précédent. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu. Donc c'est ce qui vient donc conclure pour aujourd'hui, et on lira la suite. Anas radiallahu anhu, il a dit, j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et derrière Abu Bakr, et derrière Omar, et derrière Uthman. Je n'ai jamais entendu un d'entre eux dire ou réciter Bismillahirrahmanirrahim, et c'est rapporté par Muslim. Après, le cheikh, il explique que Al-Basmala, c'est une ayah du Coran. D'accord? Est-ce que c'est une ayah de chaque surah, ou bien est-ce que c'est une ayah qui est séparée, indépendante, et qui sépare entre chaque sourate dans le Coran? Donc le cheikh, il pose des questions, il met des points d'interrogation ici. Après, il dit, وَهَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَيْسَتْ مِنْهَا. Est-ce que c'est une ayah de sourate al-Fatiha, ou bien ça n'est pas une? أَقْوَالٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ. Il y a différentes positions chez les hommes de science à ce sujet-là. Et il dit, وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ الصَّحَابَ أَدْخَلُوهَا فِي الْمُصْحَفِ وَلَمْ يُدْخِلُوا فِيهِ إِلَّا مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ. Donc la preuve que ça fait partie du Coran, c'est que les sahaba, ils l'ont mis dans le mushaf. Ils n'ont pas mis dans le mushaf rien d'autre que ce qui fait partie du Coran. Et il mentionne le hadith qui est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne authentique. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Selon Ibn Abbas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la ya'rifu fasl as-surati hatta tanzilu alayhi bismillahir rahmanir rahim. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas quand est-ce qu'il sépare deux sourates, excepté lorsqu'il était révélé Bismillahirrahmanirrahim. Là, il savait que ça c'était la fin d'une sourate et le début d'une autre. Et il dit ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل وسورة الفاتحة سبع آيات. Là, on va arriver à ta question. Le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de divergence entre les hommes de science sur le fait que Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset dans Sourate An-Naml. C'est-à-dire, dans Sourate An-Naml, l'histoire de Suleyman, quand il a écrit la lettre et que Belqis, elle reçoit cette lettre, elle dit, c'est une lettre et ça commence par Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est dans le verset, à l'intérieur de la sourate. C'est pas au début ou à la fin. Donc ça fait partie d'un verset dans cette sourate là. Et après il dit parmi les ulama, ceux parmi les ulama qui ont dit que également ça fait partie de la Fatiha, il y en a qui la calculent parce que sourate al-Fatiha, un de ses noms c'est As-Sab'ul Mathani. Ok, c'est les sept versets qui se répètent. Et il dit, parmi les ulama, il y en a qui le calculent, qui calculent la Fatiha comme un des versets. Et comme tu dis, il est numéroté, mais il n'est pas numéroté dans toutes les copies du Coran. Dans certaines copies, il n'est pas numéroté comme le premier verset. C'est pour ça que le cheikh, il explique que c'est ça. Comment si le basmala, Bismillahirrahmanirrahim, ne fait pas partie de la Fatiha, où est-ce qu'il est le septième verset, c'est غير المغضوب عليهم ولا الضالين qui est le septième verset. Donc, le dernier verset est séparé en deux. صراط الذين أنعمت عليهم, ça c'est le sixième. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est le septième. Il le base sur le hadith. Il dit وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَ لَيْسَتْ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. C'est-à-dire qu'il y a un hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'ai séparé la prière en deux, entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Dans le sens que la Fatiha est divisée en deux. La première partie, c'est la glorification d'Allah. Et la dernière partie, c'est-à-dire à partir de... اهدنا الصراط المستقيم, c'est une invocation. Donc c'est comme si la première partie c'est pour Allah, dans le sens que c'est pour faire l'éloge d'Allah et glorifier Allah. L'autre partie c'est le serviteur qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et ainsi de suite. Donc c'est comme il dit, j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Et il dit, lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'a glorifié. Donc dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence tout de suite par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il ne mentionne pas Bismillahirrahmanirrahim. Donc les ulama ont dit, donc ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la Fatiha. D'accord? Donc c'est ça leur preuve en fait. C'est ça leur preuve. Non, c'est pas le consensus, c'est-à-dire que même ceux qui récitent pas c'est-à-dire quand tu dis le consensus, tu veux dire le hadith Qudsi. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ouais, non, mais c'est-à-dire que quand je dis les ulama, il y a eu des ulama qui, par exemple, récitent à haute voix. Il y en a parmi les ulama qui disent qu'on peut réciter à haute voix le basmala dans la salat. Moi, j'ai déjà prié derrière des imams qui ont cette position-là, puis quand ils commence la salat, il commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que tu l'as jamais entendu ça? Oui? En Algérie, vous faites ça? Oui? Oui? Oui? Oui, dans le Tarawih, ça c'est autre chose, mais dans la salat de tous les jours, est-ce que tu as remarqué ça? Ah oui. Au Maroc, et les imams ne disent pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je crois que c'est ça. Le madhab maliki, ils ont cette position-là, je pense. Donc, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.